snake. And my foot came out, and my foot came out, and stoppy, stoppy, stoppy. Et bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori numéro 41, spécial Scandinavie et musique dégueulasse du Nord. Ouais, black metal. Voilà, ça va être du bruit, un petit peu actuellement comme mon micro, qui a des petits soucis. Mais ça va être réglé dans l'immédiat, bravo. Ultra mélodique. Merci la technique, c'est parfait. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. De retour après un mois d'absence pour mon tour. Non. Voilà, je suis ravi. Voilà, oui. On s'est écouté des bons petits trucs. Hein. Moi, quand j'ai fait le générique, là, au début, j'étais parti pour mettre du ABBA, des conneries du genre. Oh, il y avait Europe quand même. Oui, non, mais. T'avais pas non plus. Moi, je pensais pouvoir mettre vachement plus de pop électro dégueulasse du Grand Nord. Et sauf qu'en fait, quand tu fais juste le tour des groupes d'espèces de symphonique metal et tout le merdier, mais t'as largement de quoi faire un générique. Si j'ai tapé top 25 groupes suédois sur YouTube et t'as des mecs très sérieux qui mettaient que des trucs mélo, tous les trucs du générique. Qui ont vraiment classé. Donc ouais. En fait, t'as pas vraiment fait de générique, t'as repris un générique déjà fait. Ah non, mais c'est incroyable. C'est que les Suèdes là. Non, il y a de la Finlande aussi. Mais la Finlande ne fait pas vraiment partie de la Scandinavie. Ici. Oui, mais c'est. Ah, mais non. C'est ah, non. Ouais, c'est moi, j'ai posé la question. On m'a dit. C'est les pays nordiques. Hey, non, mais de toute façon, rien qu'avec les trois pays scandinaves, on pouvait faire 10 émissions. Donc, pour resituer un petit peu, parce que Memento Mori est tout de même une émission culturelle, ne l'oublions pas. Le dessous des crustes, le retour. La Scandinavie concerne uniquement le Danemark, la Suède et la Norvège. Tout à fait. Histoire de c'est important de reposer quand même des bases et sinon pays nordique, on ajoute la Finlande, l'Islande et les îles Féroé. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un a les îles Féroé. Non, mais non, moi je me suis arrêté à la Scandinavie. D'accord. J'ai fait trois. Moi j'ai été un peu plus large. Ah, je me suis permis, c'est pour ça que il fait le malin. Explicatif. Bah oui, mais bon. On a le droit quand même de se libérer un petit peu de nos chaînes. Oui, hein, oui, oui. D'ailleurs, oui. N'ayons pas peur. Mais bon, comme dit, rien qu'avec la Suède, tu sais, on faisait déjà 5 émissions, alors oui, du coup, oui, ça faisait. C'est un peu comme le Brésil. Ouais, voilà, exactement. Je me suis un peu restreint. Alors, la prochaine fois, on fera les spéciales Europe et on fera que l'Angleterre. Et on mettra que Europe, le groupe. Ça va être génial. Moi, je serai absent, je crois, la fois là. T'es pas là? Oh, c'est dommage, ça va être super. Bon, bah, santé. En ouais, à la vôtre. Santé, on boit une bière pas du tout de Scandinave. On va commencer par Turbo Negro, hein, histoire de faire dans le simple, l'efficace et un peu de scandale. C'est toujours très bien. J'ai beaucoup hésité sur le morceau parce qu'il y a quand même plein de trucs cool, dont. Putain, on en a passé plein aussi. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être ça aussi. C'est la deuxième raison. Du coup, on va s'écouter Blow Me, un morceau qui parle de trucs sympas et qui le dit avec beaucoup d'humour. Et c'est vrai, du grand Turbo Negro de la bonne époque. You think I'm fat? Et voilà, c'était une belle chanson sur l'amitié entre proches de Turbo Negro. Vous êtes toujours dans Memento Mori, spécial Scandinavie, un petit peu étendu pour ceux qui sont pas très bons en géographie. Tout à fait. Voilà, mais puisqu'on parle de Scandinavie, on va forcément parler de black metal et on va forcément parler d'assassinat. Et puisqu'on parle d'assassinat, on va tenter un nouveau truc. On va faire une snuff radio avec en direct le meurtre de Mitch, en musique et en direct avec le groupe Mitch Murder, groupe d'électro suédois, qui évolue un peu dans le genre synthwave et dont le nom a suffi pour être sélectionné. Oui, c'est ça que vendu comme émission. Ça, j'imagine, c'est pas la musique, quoi. Non, mais voilà. Donc voilà. Et juste après, on va écouter Collapse, un groupe danois que j'ai découvert sur Bandcamp. Musicalement, ça mélange un peu pas mal de styles qu'on aime bien, avec des gros passages sludge, des trucs un petit peu plus crust, hardcore, et même un peu de post-rock. Enfin voilà, vraiment des plages un peu lentes et des trucs un peu plus rapides. Tout ça très cohérent, avec une ambiance bien sombre, bien désespérée. Donc on va écouter le morceau Void, issu de l'album Angst, et juste avant Mitch Murder avec le morceau Taken. Ah, il a coupé le Larsen. C'était Collapse à l'instant. Je ne suis pour rien, je l'ai laissé jusqu'au bout. Collapse, groupe danois, et juste avant, Mitch Murder, les Suédois. Donc, voilà. Mitch est toujours avec nous, je vous rassure. Hein. Ouais, mais je suis décédé quand même de la musique. Intérieurement. Même si, globalement, c'est pas le pire que tu m'aies. Ah, tu vois, non, mais. Bah, peut-être qu'une spéciale japonaise te fera partir. Ouais, ou une petite gore grind. Spécial gore. Il y a une différence. Celle-là, pourquoi la choisis celle-là ? Pourquoi la valide à 3 aussi là ? Ouais. Ou 4, mais. Ouais, mais David est déjà d'accord. Hein. C'est ça, tu n'as même pas demandé, il est déjà OK. Ouais, mais il n'est pas là, il n'a pas voté. Ah, ouais, les absents, il n'y a pas de procuration. Hein. Ok, du coup, moi je vais prendre la relève avec une musique un petit peu plus brutale quand même, hein, comme on aime écouter dans Même Tomori. Alors, t'avais passé du danois ou pas là ? Ouais, à l'instant. À l'instant, donc on va rester dans le danois. Et Copenhague, voilà, parce que du coup, c'est vrai que tout ne se concentre pas à Copenhague, mais la plupart des groupes que je connais sont de Copenhague. C'est la triste réalité de la capitale. Donc, oui, bon. On va y s'écouter Alshug. C'est un groupe de hardcore D-beat un petit peu sale, comme il se fait actuellement et comme j'aime écouter. De l'album Sort Sind. Donc ça va être compliqué un petit peu là, tous les. C'est pas anglophone tout ça, donc ça va être sympa. Donc le titre Oud Skoud. Alshug, c'est très très bien, mais c'est très très moche en pochette. Le groupe d'après, ce sera dans le même style, mais un petit peu plus sale encore. Ce sera Erratis. C'est un album sorti en 2010. Le groupe n'existe plus. Et le titre, c'est Kirekureki. Bah, je suis pas sûr en fait entre mes WI et mes trucs. Ah oui, ouais, c'est. Voilà, donc on va s'écouter pour dire plus simple. Alshug, donc qui vient de Copenhague, et juste après Erratis de Suède. We'll be right back. Donc à l'instant, on vient de s'écouter les excellents Erratis, donc groupe de raw punk suédois, et juste avant Alshug, qui eux sont de Copenhague et qui font du hardcore absolument cool aussi, ouais. Qui existe toujours, qui ont sorti un LP, je sais pas les dernières, je crois, qui comme je le disais, très très moche, mais qui est très très bien. Je sais pas moi, Alshug, je me dis que c'est un groupe qui pourrait venir de Fraisse-sur-Moselle, ça me pas plus que ça. On pourrait se faire une spéciale Fraisse-sur-Moselle. Salut, on s'appelle Alshug. Un groupe qui viendrait de Molsheim ou je sais pas, tu vois. Salut, on s'appelle Alshug. On fait du D-beat. Bah, ça pourrait tellement marcher. Un accent comme ça, Copenhague, hein, qui sait. Va savoir. C'était vérifié. Il faudrait qu'on fasse un petit déplacement. Ouais. Voilà. On fera une note de frais. Ce serait très très bien. Qu'est-ce qu'on va s'écouter ? Bon, on va s'écouter un truc un peu plus propre et un peu moins propre derrière. On va s'écouter Massistery. Voilà, à ne pas confondre avec le groupe français. On a déjà fait la blague à la première émission, figure-toi. Oh. C'était sûrement une mauvaise blague. Oui, c'est toi qui... Tu recycles un peu, là, j'ai l'impression. Oui, et je recycle aussi Massistery, mais en fait, j'étais fin de que Mathieu l'ait passé à la première émission, parce que j'adore ce groupe. Tu aimes bien les deux groupes, en plus. Oh, le cache pas, le cache pas. Massisteria, j'ai... Ah, il l'a dit. Il l'a dit. C'est une Madeleine de Proust. Voilà. Et avec le recul, le dernier album, je m'attendais à un truc lamentable, tu vois, avec le recul et tout, c'est pas si pire. Voilà. C'est... Non, mais voilà, donc voilà, ça accepte les choses. C'est pas si bien, mais c'est pas si pire non plus, quoi. Ça aurait pu être nul à chier, et franchement, ça va. Et ça reste des mecs plutôt cool, voilà, donc ça... Alors du coup, parlons de Massistery. Présente ton groupe plutôt. Ouais, Massistery, c'est un groupe suédois qui a arrêté il y a déjà une paire d'années, et tout à fait mortel, d'espèce de punk rock avec des guitares à la limite du post-punk, et le tout avec porté par deux voix qui chantent tout le temps en même temps. Alors il y en a que ça surgonfle, et il y en a qui adorent, bah, moi j'adore. Et juste après, on va s'écouter Lifted. Un groupe qu'on avait découvert à l'Obscène Extrême en 2008 ou 9. Est-ce qu'il y a des chœurs ? C'est les préférés. Non, du coup, on avait écouté ça à l'époque, c'était assez mortel, avec des petits chœurs punk rock en plein milieu d'un morceau de 10 bits crust. Qu'est-ce que ça fait là ? Mais finalement, ça collait à fond. Et j'ai réécouté, et franchement, il y a plein de trucs ultra mortels. Et justement, c'est un groupe qui... Juste, ça fait du crust 10 bits à la base, mais ça navigue un petit peu sur d'autres petites choses, genre un peu du punk rock, un peu des trucs comme ça, un peu du heavy. Et ce qui fait qu'il y a plein de petites choses qui se démarquent en fait du 10 bits crust classique, et ça fait que c'est très bien. Ça reste ultra efficace. Il me semble que ça joue toujours, ouais. Du coup, alors maintenant, j'ai pris les deux avec la bonne prononciation. Tout le reste, c'est des trucs en anglais, donc je suis tranquille, mais là quand même. Massistery, c'est le morceau Laddom Ata Os. Donc ça va, il n'y a pas trop de i dans tous les sens. Et par contre, Lifted, c'est Frihet va du Aldri. Pas mal. Je ne me suis pas renseigné sur ce que ça veut dire. Et je tiens à m'excuser s'il y a des gens qui viennent de la Scandinavie qui nous écoutent. Mais oui, l'extrait qu'il y a dans le générique, c'est censé être une imitation de flamand, je crois. Parce que c'est les nuls qui font... Non, les Romains des Bois. Ou les Romains des Bois, t'as raison. Oui, tout à fait. Qui font leur émission à Afri de Bidhu. Oui, c'est ça. Le Nord, quoi. C'est vraiment. Plus, oui, c'est l'instant norvégien. D'accord. Des Romains des Bois. Mais voilà. Mais c'est plus du flamand, je crois. Oui, enfin. Oui, c'est une connerie, quoi. Ça sonne pareil, tous ces langages barbares. C'est ça, mais c'est. Nous, personnes civilisées, de toute façon, à tous les gens du Nord, les peuples du Nord. Nous sommes au-dessus de ça. Voilà, donc je cherchais un jeu télévisé norvégien, un truc du genre, et c'est ça qui est tombé en premier. Je suis gros. Ça marche très bien. Ça rappelle des souvenirs. Voilà. Du coup, on s'écoute Massistery, qui a déjà commencé parce qu'il en a marre de m'écouter parler. Excellent. Jag vill ingenting, nu kommer ändå allting. Légaré, bonsoir, vous êtes toujours sur Memento Mori, on raconte des anecdotes de travail et c'est toujours aussi sympa. À l'instant, c'était Lifted avec un morceau tout à fait mortel. Hein, je crois c'est un groupe tout à fait mortel. Voilà, avec Meuf Mortel cherche un groupe mortel. Meuf Mortel cherche un groupe de 10 bits mortels. Ça pourrait marcher. Voilà, ces petits chœurs là qui sortent de nulle part, c'est très sympa. Et juste avant, c'était Massystery avec pareil. Voilà. Plutôt côté punk rock, mais très très sympa aussi. On s'écoute une suite pendant que Mathieu essaye mes lunettes. Ouais, tout à fait. On s'écoute Ombre Malo, un groupe norvégien que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont sorti un split avec le super groupe Jack and the Bearded Fishermen en 2010. Et donc c'est des Norvégiens, je l'ai dit. Ils mélangent un peu hardcore, sludge, un petit peu noise rock, un peu dans le style de Jack, mais un peu plus bourrin quand même. Voilà, donc on va écouter le morceau Reaching the Shore, issu de leur dernier album Persistent Murmur of Words of Wrath. Voilà, et juste après, on va mettre on reste en Norvège, avec un groupe de grindcore, punk, noise, ultra engagé. Parlementarisk Sodomy, ouais voilà, donc grind avec des textes engagés mais pas mal second degré aussi, et puis un son qui est assez difficile à décrire, c'est à la fois dégueulasse et en même temps assez précis, avec ouais, ça, tu vois, il y a ce côté, la batterie est assez, on entend quasiment que la batterie, le chant est un peu mis en avant, perspicace, et vous jugerez par vous-même, moi j'ai du mal à décrire ce son que j'adore et que je trouve ultra pertinent pour ce groupe-là. Il me semble que j'ai dit que c'était un one-man band pour l'album là, qui est Krig Mot Norge, leur dernier album. Ils sont deux, pour une fois. Et c'est sorti l'année dernière chez plein de labels, dont Diff Death, Husky Records, le label de notre copain Pibe, unique auditeur voilà. De notre émission. On peut reprendre si tu veux. Tu vois, en fait, là, il y a coupure. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, montage, là, cop. Il y a une olive qui passait mal, pardon. Moi, du coup, j'ai encore la voix qui tient, donc c'est Marcus qui est obligé de me couper. Et toi, il y a une espèce de coupe naturelle comme ça, c'est le destin. C'était magique. Tout de suite, c'est Ombre Malo et après, Parlementarisk Sodomy. Alors, on est toujours sur Memento Mori, spécial Scandinavie, et j'ai retrouvé ma voix. À l'instant, on vient d'écouter Parlamentarisk Sodomi, et juste avant, c'était Hombre Malo, donc je sais pas trop comment ça se prononce, mais ça sonne espagnol, même si c'est des Norvégiens. De bon groupe. Voilà, et hors antenne, Mathieu me demandait si Parlamentarisk Sodomi jouait un petit peu. Et je crois que pas du tout, justement, comme c'est un mec tout seul, il me semble qu'ils font pas de live. Ok. Mais c'est le même mec que Brutal Blues et 2-3 autres trucs. Donc voilà. Donc ce morceau était dédicacé à notre ami et seul auditeur, Pierre Paibe Rossi. Voilà. Espérons que non. Espérons qu'il nous écoute quand même. Voilà. Au pire, on perdra pas grand-chose. On verra bien si on reçoit des messages dans les minutes qui viennent. Ouais. Non, le direct, c'est sûr que c'est peut-être un. Ah, c'est peut-être difficile. Ah, ouais. Peut-être qu'il va nous appeler encore un peu tout bourré. On sait ouais, pas. Ouais, on verra. Je sais pas s'il y a des concerts à Besançon en ce moment ou à Vesoul. Si. Bon, il y aura toujours un peu du truc au PDZ quand même. Même le jeudi soir. Jeudi peut-être pas, mais. Ouais. Bon. Bon, c'est le moment où Marcus nous dit bon, allez les gars, on se recadre, on a une émission musicale et culturelle. Voilà, ne l'oublions pas. Alors, nous allons retourner à Copenhague avec un petit groupe de punk rock qui se nomme No Hope for the Kids, qui est un groupe là-haut assez mythique dans le style. Alors, je crois que le chanteur, je crois qu'il tient un label et un disquaire là-haut qui est assez connu, quoi. Donc, c'est, enfin voilà, là-haut, c'est pas rien, quoi. Donc, l'album, enfin voilà, c'est le. Ça s'appelle comme le nom du groupe, pardon. Je suis un peu perdu. Et le titre, c'est Raining Day. Donc, ça, c'est tous des groupes qui tournent autour de Lungenchuchet, qui était l'espace autogéré qu'il y avait à Copenhague il y a quelques années, qui était détruit. Où il y a eu beaucoup d'émeutes suite à ça. Et c'était racheté par des cathos intégristes. Donc c'est absolument parfait. Un truc canard. Ils ont eu ça pendant, je sais pas, ça devait faire 20 ans qu'ils avaient ça. Et ils ont vendu le truc. Voilà, c'est un peu moche. Donc le groupe d'après, c'est The Assassinators, qui est un groupe de punk rock aussi à chant féminin. Moi, j'adore ça depuis, je sais pas, depuis que je connais. Ça fait le premier EP qu'ils étaient passés au Subbox Club. Dans les années 2000. L'album, c'est Zicht Efter Idgertet. Le titre, c'est Rettentil for Skellig Ed. C'est parti. Fade away. Yep, yep, yep. Donc, on vient de s'écouter les excellents Assassinators. Et juste avant, No Hope for the Kids, qui n'existe plus depuis au moins 10 ans. Voilà. Moi, attends, je remets mes lunettes. La partie danoise. Ouais, c'était cool. Oui, moi, j'aime beaucoup. Oui, oui, j'ai l'impression de revenir à 10 ans en arrière. C'est sûrement pour ça. Ouais, bon, c'est toi, toute l'époque où on écoutait Deadline et tout ça. Ouais, ça ressemble un peu à ça, effectivement. Ouais. C'est, ouais, ce genre de punk rock, voix féminine, avec les wow, un peu oi et tout. Voilà. Enfin bon, sans que ça soit une mauvaise chose. Du coup, on va s'écouter toujours la même histoire, ce petit 7 pouces que j'ai découvert un soir, je sais pas, de novembre peut-être, au câble à Épinal. À l'époque où c'était pas encore les caves de Fontenay, donc il y a. Je sais pas, j'habite encore chez mes parents, donc ça commence à faire un petit paquet d'années maintenant. Et voilà, de The Process et Rento Killer, et The Process qui jouait le soir-là, qui a mis une calotte incroyable à peu près tout le monde, surtout dans le bar Le Câble. Pour ceux qui ne voient pas, ça fait la taille d'un petit studio, hein, mais et encore. Et voilà, du grand crust là-dedans, c'était terrible. Et du coup, il y a un groupe en split, c'est un split avec Rento Killer, qui est un groupe, pareil, suédois, ou norvégien, si je dis pas de bêtises, enfin bref, c'est scandinave, et qui, sur ce split-là, en fait, fait des trucs un petit peu chelous. Il y a un morceau avec de l'accordéon, il y a un morceau avec de la trompette, et qui, je vois, ça s'y prête vachement bien, ce qui est assez surprenant, donc moi, j'aime encore bien les trucs un peu surprenants comme ça. Moins surprenant que Mitch Murder, mais, mais un peu plus. Ouais, voilà, n'exagérons rien. Et donc bon, voilà, ces deux morceaux-là sont extrêmement cool, et surtout le morceau de Rento Killer, voilà, ça prend des risques à fond, et j'aime bien les gens qui prennent des risques. Il y a un côté Startup Nation qui me plaît. Yeah. C'est pas vraiment à l'arsène, donc ça peut passer. Ouais, voilà. Voilà. À l'instant, c'était Rento Killer avec la chanson de mon réveil. Et oui, non, mais c'est vrai que je m'en souviens maintenant. Hein. Ah, tu vois, Je sais pas à quel moment tu l'arrêtes exactement, mais. Bah, généralement, avant que ça crie, comme ça, ça veut dire que je suis réveillé, quoi. Mais c'est ça, c'est très bien en deux temps. Ouais, au début, ça va, c'est tout doux. Si tu te réveilles. Elle est complète. Tu peux mettre ça à la maison, pas de problème, tu vois, tu te fais pas trop engueuler. Et puis, parce que si tu commences par bloquer direct pour le réveil, c'est sûr, c'est efficace. C'est mauvais pour personne. En termes de communauté, c'est pas terrible. Et là, du coup, si tu sais que tu te dois te réveiller à un moment quand ça crie. Parce que, voilà. Tu t'es étudié. C'est ça. Faut arrêter de se lever. Ouais. Bah oui, bon. Ah, c'est compliqué, je l'ai bien, tout dans la merde. Bah, écoute, le mois prochain, on fera une spéciale Frédéric Lordon et puis on parlera de la valeur travail. Du coup, c'était Rento Killer et juste avant, c'était The Process. Voilà. De ce petit split, cette pouce qu'ils ont fait l'un avec l'autre, très sympa. Ok, ouais. Bon, bah là, il est 21h à peu près pile poil. Ouais, donc voilà. C'est l'agenda concert. Quelques secondes. Agenda concert. Alors, il se passe-t-il beaucoup de choses dans notre belle triste région. C'était une belle région. Ah, ne dis pas tout. Là, veut sacrifier. Puis on en tirait, là, laissez tomber. Alors, on commence avec. Je sais même. C'est que des afficheries qui regroupent tout. Je sais même pas où est-ce que ça se passe. On commence avec une affiche bien. C'est bien préparé, ça, c'est bien préparé. Et en plus, c'est compliqué, je n'arrive à lire aucune affiche. Alors, et en plus, c'est pas mis à jour. Stéphane Navian, si tu nous écoutes, les dates qui se passent encore le 15 mars et tout, là, on est le 22, c'est fini. Hein. Hop, le 20, ce jour, je suis un peu un pignouf de ne pas avoir regardé ça avant. Mais bon, on commence avec le 22 mars à Nancy au Black Baron, The Rebel Assault du punk rock de Montbéliard, Topsy Turvies du punk rock de Poitiers et Lorelai du punk rock un peu oi, mais il ne faut pas trop le dire, de Nancy. Voilà, ça se passe au Black Baron, c'est Malfamé qui organise ses prix libres. Le dimanche 24 mars, c'est la foire au disque, ça se passe à la Halle Renaissance, c'est le grand bâtiment qu'ils ont réhabilité à côté de l'autre canal. Voilà, c'est grosse bourse au disque, donc convention du disque et tout ça. Et est-ce qu'il y a des concerts? Même pas. Voilà, juste grosse convention, ça se passe toute la journée, du coup, évidemment, c'est pas en soirée. Ensuite, on enchaîne avec au bar Le Commerce à Mirecourt, toujours de la Hoye, hein, toujours c'est Stay Rude, Stay East qui organise. Avec Midnight Tattoo, du punk rock d'Anvers en Belgique, et Talion. La Hoye antiraciste de Dijon. Globalement, c'est un groupe. Il y a une série sur TF1 où c'est que des mecs du groupe qui jouent dedans. C'est une mauvaise blague sur la leucémie, mais c'est pas grave. Non, c'est une série sur des mecs qui ont la leucémie dans un hôpital. Et voilà. Du coup, t'as l'impression que c'est que des skins qui jouent en fait. Voilà. Y a les Ramenor de Menhir qui jouent, mais pour le bien-être de tout le monde, on va pas inviter les gens à aller les voir. Hein. Bon, au bar chez Efat, c'est les 20 ans du bar chez Efat. Hein. I know. C'était l'année dernière. Mais elle avait pas fait grand-chose, du coup, elle se rattrape. C'est voilà. 21 ans, j'ai l'impression. Oui, c'est marqué acte 2. Voilà. Donc c'est un petit avouage de défaite, mais c'est pas si grave. Y a quand même PKRK, donc voilà, punk rock messin ultra solide, et Hystérie Collective, punk rock de Busan. Hein. Busson, le Tio, voilà. Le c'est saison. Combien ça? C'est le samedi 6 avril, ça se passe chez Fat, au Tio. Ouais, cool. Le Tio. Le 13 avril, à l'Entracte 2, à Saint-Denis-des-Vosges, c'est les 12 ans de l'assaut Furax avec Flying Orchestra. C'est de la chanson festive de Metz. Écoute, on va savoir. The Outcast du Punk Rock Légende 76 de Belfast. Ouais, c'est un super vieux groupe, mais c'est du punk rock assez calme. Hein. C'est voilà, la vague rock du punk, quoi. Mm-hmm. C'est 76, tu vois. C'est ça. Ouais, non, mais c'est bien. Hein. Moi, je connais un petit peu, c'est bien. C'est vraiment. Voilà. C'est pas un petit groupe. Hein. Il y a 1984 du punk rock de Metz et The Wolfgang du Neo Rockabilly de Strasbourg. Tout ça, c'est à l'entracte. C'est remplacé par Outspoken. Eh ben, il y a Outspoken de quoi? Des Vosges. Hein, voilà globalement. Tout ça, c'est à l'entracte 2 le 13 avril. La meilleure date dans l'Est que tu verras dans quand même pas mal de temps, c'est les 10 ans du groupe Worst Nation, yeah. Le groupe de notre bien-aimé leader et seul auditeur Pierre Rossi. Exactement, voilà. Leader, chanteur. Oui, c'est vrai que c'est l'open leader, en fait. Personne ne saurait dire le contraire. Du coup, tu crois d'ailleurs qu'ils prennent un gros défraiement pour la date de leur 10e anniversaire ou pas? Ils se négocient. Ils sont... En fait, peut-être que l'open a envoyé un mail à Paib en disant « Écoute, on a des 300 balles. Voilà, ouais. On est obligé de louer un camion pour venir. Il nous faudrait 300 balles pour venir. » Peut-être qu'il a envoyé le mail à Chèche, on ne sait jamais. Voilà, donc du coup, c'est les 10 ans de Worst Nation avec notamment Doom Sisters, évidemment, c'est facile parce qu'on est dedans. Warfuck, il y a Warfuck, Vlar, Ordure, Geranium, ah ouais, moi j'ai pas Satan. Vu et, j'en oublie un, j'ai l'impression. Oui, moi aussi. Et, donc, du coup, ça va être vexant. Et, ouais, parce que du coup, alors, arrivera-t-il à afficher l'affiche à temps? Rien n'est moins sûr. Et l'affiche est sortie avec tous les groupes là, avec, ouais, oui, avec les logos de l'enfer et tout ça. Ah, ouais, avec Bolt Thrower, Terrorizer, Asuk. Et putain, j'ai l'impression d'oublier un groupe, merde. Ah, bah, faut que je la voie alors cette petite affiche. Ouais, non, mais on va se retrouver ça. Je vais essayer de meubler là, montablement. Ça joue à Besançon. Hein, donc, ça joue au Passager du Zinc, le grand meilleur destin. Voilà, le meilleur bar de Besançon. Eh ben non, en fait, on avait dit tous les groupes. On avait tout dit. Warfuck, Doom Sisters, Geranium, Satan, Vlar, Ordure et Horse Nation. Ça commence à quelle heure tout ça? Y a pas d'heure, si. C'est écrit en tout petit, 18h. Ok, ouais, voilà. Ouverture des portes à 17h. Ok, ah oui, donc c'est un goûter grind. Ouais. Après, il y a pas mal de groupes quand même. Oui, oui, oui, c'est un bon goûter. Ouais, non, mais ça va être. Je pense à acheter des canons à confetti. du coup, à l'Atelier des Mots, à Montbéliard, le 14 avril, il y a Napalm Death, du Grindcore UK, et Prison Life qui passe. Voilà. C'est. Bon, bah, je crois que c'est encore un groupe avec Nasty Sammy, évidemment. C'est du hardcore, machin. Pour changer. Grindcore Legend. Nasty Sammy, moins. Hein, non. C'est hardcore traité, je t'ai vu. Seven Stis Seven. Voilà. Et on finira avec le 19 avril, du coup, à bah, c'est pas noté. Il n'y a même pas un nom de salle. C'est à Donfin. C'est où Donfin? C'est dans les Vosges, mais je sais pas. Ah, c'est pas la date à Sainte-Hélène, ça? Bah, c'est marqué Donfin. Montre-moi l'affiche. Oui, c'est Sainte-Hélène. Non, c'est à Sainte-Hélène. C'est dans la salle des fêtes de Sainte-Hélène, pour ceux qui se souviennent. De la mythique salle des fêtes d'Ultime Tension, quand ils faisaient leur concert il y a, je sais pas, peut-être pas 10 ans, parce que faut pas rappeler, mais pas loin, mais pas loin quand même. Ouais, ils ont fait tout un tas de festivals d'Ultime Tension, de concerts punk, reggae et compagnie. Ah oui, j'ai un bon souvenir de concert là-bas où il faisait moins 23 dehors, et que du coup la voiture voulait plus s'ouvrir, et on était 5 dans la voiture, on est tous rentrés par le coffre et tout, c'était très très pratique. Voilà, un souvenir de bagarre qui était bien sympa aussi là-bas, des connards de faf qui étaient venus, c'était bien cool, avec de la lacrymo, du sang et de la bière, c'était une bonne soirée. Ouais, moi je préférais mon histoire de bagnole, c'était vachement moins pénible. Moi c'est ce que je retiens. Voilà, du coup il y a Dirt to Dust, les marteaux piquettes, Phobos, Infréquençable, un truc avec un logo pas évident, Loco Muerte, peut-être. Ouais, Loco Muerte du hardcore de Paris. Et GKY, bon, j'imagine que ça se prononce comme ça, ou GKY, mais ça fait moins bien. voilà, tout ça donc le 19 avril. C'est sur deux jours. Hein. Bah, ah oui, c'est marqué. Ah, c'est 19 et 20 avril, c'est bien vu ça, Mathieu. J'aime bien quand tu es renseigné comme ça. Je suis au courant de l'affiche. 19 et 20 avril, donc concert Petit Assos qui organise ça pour la première fois. Donc. Ça aurait été presque bien de passer des groupes, mais bon, c'est pas grave. Non, mais on voit que t'es du secteur, toi. Ah bah écoute, à moi, le cœur de Sainte-Hélène. Hein. C'est ça. Il fallait mettre 2-3 groupes scandinaves, on les aurait passés. Hein. Bah oui, non, mais c'est ça, à un moment. C'est de leur faute aussi, à un moment. Donné, on fait des groupes avec des groupes du coin, ça marche pas, quoi. Nous, on est international, nous. Désolé. Hein. Tu te rends compte, on va tourner dans 10 pays, mec. Alors, je suis en train de mettre de la crème d'Albert sur les câbles du casque, ouais. C'est pas terrible. Alors déjà qu'on n'a plus le droit de fumer dans la salle, alors si en plus on n'a pas le droit de mettre de Munster. Je me demande, c'est à cause de qui ça? Gueulez pas, vous avez le droit de boire. C'est bien pas mal. Il y a une putain d'affiche là. Ouais. En plus, pour le coup, on n'aime pas un groupe de fumeurs. Quoi, c'est ça. C'est quand même moche. Quoi. On sort un truc, on a pas le droit de fumer, mais on fume même pas. Mais ça a quoi s'y mettre, ce genre de conneries? Juste pour le principe. Voilà. Exactement. Esprit de contradiction. Ah. Bon, allez, on va écouter un petit peu de musique. Hein, l'agenda concert, que ça manque un peu là. Vient de se fermer. La petite page était relativement difficile à fermer. Mais ça y est, c'est fait. Le livre est clos. Nous allons maintenant écouter Misanthropique, qui est un petit groupe de crust suédois qui vient de Umeå. C'est absolument cool. L'album sorti en 2010 s'appelle Insomnia et le titre Raise the Gallows. We'll be right back. Yeah. Voilà, tout va bien, tout va bien. On ne se met pas la pression. Nous avons le droit à quelques secondes de léthargie. De silence. Voilà. Voilà. On vient de s'écouter à l'instant Misanthropique, qui est un très bon groupe d'anarcho-punk crust. Ouais, bien énergique. Tout à fait. Bien la patate. Tout à fait. Les morceaux sont pas trop longs, juste ce qu'il faut. Ça va droit au but. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et du coup, on va complètement changer de style. Et je crois même que c'est une première pour l'émission de radio. On va passer un petit peu de musique classique. Mais pas beaucoup, je vous rassure. On va passer à un morceau de Edvard Grieg, un compositeur norvégien de la période romantique, donc 19e siècle. Et on va écouter une marche funèbre quand même, hein, parce que c'est Memento Mori. Donc c'est la marche funèbre en l'honneur de Richard Nordraak, un autre compositeur, et dans sa version orchestrée par Johan Halvorsen. Voilà, donc c'est pesant, symphonique, assez dramatique. À découvrir. Ouais, voilà, un tout petit extrait donc de ce morceau-là que vous pouvez écouter en entier sur YouTube. Ça dure 7 minutes. Là, on a choisi même moins de 2 minutes. Et juste après, histoire de jouer le contraste, on va passer Dead Instrument, qui est sans doute le groupe le plus rapide de tout le royaume du Danemark, qui font donc du grindcore. Ils ont fait un super split avec les copains de Horse Nation et de Chien l'année dernière. Et juste avant, ils avaient fait un autre split avec les excellents Mad Drinker, qui jouent du Doom Sludge. Et on va écouter ce split-là, en tout cas la partie Dead Instrument, dans son intégralité. Donc voilà, donc Edvard Grieg, la marche funèbre, et juste après, Dead Instrument, le split avec Mad Drinker. Non, il y avait. Ouais. Pour répondre à ta question, il y avait très exactement 3 ou 4 morceaux. Ah voilà. Soit l'intégralité de leur partie du split. Ça faisait quand même que 2 minutes 46. Ah, oui. Mais c'était quand même plus long que la partie musique classique. Voilà, donc à l'instant, c'était Dead Instrument. Et juste avant, Edvard Grieg et sa marche funèbre. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on met? Ah bah, oui, on n'a rien savé. Parce qu'on voilà, n'aurait voilà. pas été des pignoufs et qu'on n'aurait rien mis. D'habitude, Marcus, il vient nous voir pour nous demander. Ah oui, là, et puis là, hein. Et voilà. Tu vois, Dennis Roman, c'est trop rapide pour nous. C'est quoi? C'est à toi? C'est à moi? Ce serait plutôt... Je crois que c'est plutôt à toi, Mitch, parce que Mounet a passé des trucs avant moi. Eh bah, écoute, on va dire que c'est à moi. Voilà. Et ben, bah, on va s'écouter Like Rats from Sinking Ship. Voilà. Il a l'air d'avoir trouvé. Pour un groupe. Bon. L'enchaînement sera quasiment pour un naturel. Groupe suédois, vaguement, je crois. Enfin, en tout cas, scandinave. C'est vachement plus facile à prononcer, vu qu'il y a pas de. Enfin, vu que c'est pas en scandinave, quoi. C'est un groupe que j'ai découvert au Subbox, un soir où JP de Octopool, Pescar et Dust et 15 000 autres groupes organisaient. Et crois-moi, tu me crois pas, le soir-là, tous les groupes étaient audibles et étaient vraiment ultra bien. Et ça, j'aurais jamais cru que ça aurait pu se passer. Et c'était vraiment super sympa. Et voilà, ça a arrêté depuis, pas longtemps après d'ailleurs la tournée. Faut croire que la tournée, c'est compliqué quand même. Et c'est un espèce de, je sais pas, un mélange de plein de trucs. Ça fait un peu screamo, tu sens qu'ils ont quand même pas mal écouté Refused et tout ça. Et il y avait, si je me souviens bien, une batterie, une guitare et un clavier. Et des fois une basse, mais pas sur tous les morceaux. Mais très très sympa. Et juste après, on va s'écouter Agent Attitude. Un groupe avec qui j'avais joué à Marseille, à la Machine à Coudre. Alors, pour ceux qui ne situent pas la Machine à Coudre dans Marseille, globalement, vous avez vu la rue à la télé il n'y a pas longtemps, dans ces petits immeubles qui sont peu stables. Et ben, c'est pas dur, le mur du fond de cet immeuble qui s'est effondré, c'est la Machine à Coudre. Donc, autant vous dire que pour l'instant, il n'y a pas trop de dates programmées là-bas. Ouais, c'est clair. Oui, il risque de la fermer même. Hein. Oh, bah, de toute façon, là, c'est, clairement, ça ne rouvrira jamais. C'est... Déjà qu'il y avait de l'eau qui coulait dans les loges un peu tout le temps, apparemment. Donc, c'est un peu... La miroiterie marseillaise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Peu rassurant. Oui, sauf que du coup, la miroiterie, il n'y avait pas de loyer. Alors que là, il y en a un, du coup, c'est un peu plus. C'est un peu plus pénible. Hein. C'est ça. Tu dis, bon, c'est tout pourri, mais on ne paye pas. Ça va. C'est tout pourri et tu payes cher. C'est un peu plus fatigant. Et voilà, donc ce Agent Attitude, un groupe suédois avec qui on avait joué, qui fait voilà, un peu une hardcore assez classique, et qui avait dit rien à branler de Refused, de toute façon en Suède tout le monde s'en tape. Bon, je sais pas pourquoi, moi ça me fait beaucoup rire quand il m'avait dit ça. Voilà, bah, on écoute. Et voilà, Marcus a oublié de mettre Agent Attitude. Qui devait enchaîner. Ah, il nous avait prévenu que, voilà, que, voilà, que le luxe était terminé. Ah, ça va, que c'est, ça va, c'est bientôt bénévole. On n'a pas prévenu, on n'a pas prévenu. Hein. C'est notre faute aussi. C'est les dents trop fort, c'est ça? Oui. Et voilà, vous êtes bien dans Memento Mori, l'émission bucco-dentaire. Présentée Crust. Par Scandinave. Sanofi. Crust dentaire, voilà. Ah, beau. C'était Agent Attitude à l'instant, groupe suédois de punk hardcore. Ouais, hardcore rapide à l'ancienne, quoi. Ouais, c'était super tellement cool en concert. Ouais, j'imagine. Ouais. Et c'était un de mes premiers contacts avec Crapulet Records, d'ailleurs, ce soir-là. Ah. Oui, c'est un baril, il a dû sortir de ses disques. Oui, oui, oui. J'imagine. Et c'était très, très bonne soirée. C'était bien marré. Il y avait du monde et tout. Enfin, c'était très bonne soirée à Marseille. Puis pour le coup, le côté punk rock pop de Diego avec un truc punk hardcore derrière, voilà, c'était, ça faisait beaucoup de plaisir. Très, très bien. Nous sommes ravis de relater les événements passés de tes soirées. Bah, non mais si tu fais une blague comme ça, tu enchaînes, Mathieu. J'enchaîne, j'ai rigolé. Je fais une petite pause. Donc on va s'écouter un autre truc aussi un petit peu mythique de hardcore danois qui s'appelle Amdi Petersen Armé. C'est un groupe des années 2000. Voilà, qui fait du hardcore à l'ancienne, à la Mean of Fruit, quoi, un petit peu plus lent que ce qu'on vient d'écouter là. Le titre c'est Ick Egan, d'un EP sorti en 2000, il n'a pas de titre spécial. Et juste après, on va s'écouter Modern Love que j'ai découvert il y a peu via le label Stone Age qui a sorti le LP. Le LP s'appelle Strauss Alt et le titre Glass Us. Le titre que j'ai mis penche plus du côté post-punk. Mais l'ensemble de l'album n'est pas forcément ultra cohérent par rapport à cette chanson-là. Donc voilà, c'est un mélange de punk rock, de post, d'indie rock. Voilà. Mais c'est très énergique. C'est pour ça que j'aime bien, quoi. Donc on s'écoute Amdi Petersen Armé et juste après Modern Love. Yeah! Bon, c'est déjà terminé. Bah ouais. Donc ça va vite. Très sympa, hein. Ouais. On a donc c'était quoi en deuxième? Modern Love. Ouais, très cool. Qui est très très bien. Ouais. Donc je te conseille l'album. Hein. Tu peux l'écouter. Il est en vente chez Creux sa tombe. Notamment. Notamment. C'est pour ça que tu me le conseilles. Au prix de 8€ chez Creux sa tombe. Modern Love. Pareil, la pochette est pas très très belle non plus, mais Ouais. Du coup là, je suis encore plus motivé à l'acheter. Hein. Ouais, mais c'est pas moche pour autant. C'est juste. Et puis c'est le seul morceau bien de l'album. Tout le reste est à chier. Non, je te dis. Ils sont un peu nazis. Alors du coup, je sais pas si tu veux vraiment l'acheter. Le chanteur met des belles petites chemises un petit peu hawaïennes. Ça, je pense que pour toi, c'est un bon argument. Ça, c'est un bon argument. Je pense que pour toi, c'est un très bon. Alors là, je t'arrête tout de suite. Je suis convaincu. Non, pas non plus. Voilà, et juste avant, c'était Amdi Peterson Armé. Voilà, alors juste pour faire, j'avais fait une petite note. Donc, c'est lié à No Hope for the Kids. C'est un peu les mêmes membres qui ont joué dans les différents groupes. Et il y a aussi Gorilla Angreb, qui est aussi assez mythique là-haut, dans le même style avec les mêmes personnes. Il y a plusieurs groupes, plusieurs personnes liées. J'ai fini. Ok, et ben, on va faire un petit tour du côté de la Suède avec un groupe assez mythique aussi, Carnage, qui a sorti un seul et unique album, Dark Regulation. Album qui est sorti en 90 et qui a un peu influencé un peu tout ce qui est sorti dans le death metal en Suède après. Faut dire que dans Carnage, il y avait les membres des futurs groupes Entombed, Dismember, Arch Enemy, etc. etc. Avant que tout ça existe. Donc voilà, on est quasiment dans la définition du death metal suédois. Et on va écouter le morceau Blasphemies of Flesh de ce super album. Et juste après, on enchaîne avec du gore grind, allez, spécial, ouais, dédicace à Mitch, avec le très célèbre groupe Regurgitate et l'album Carnivorous Erection. Donc on est complètement dans le gore grind avec la voix modifiée, etc., etc. C'est spongieux, c'est dégueulasse. Et le morceau, ce sera Carbonated Death. Voilà, Carnage et juste après Regurgitate. Ça va chier. Ouais, 100% gore. We'll be right back. Ah bah c'était super, hein. Ah, je crois que la définition exacte, c'est super. Ton regard quand la voix a commencé, c'était un des meilleurs moments de ma vie. Voilà, donc c'était Regurgitate, du bon gros gore grind dans tous les clichés du genre. De toute façon, c'est un groupe qui a pas mal influencé, qui s'est pas, enfin, un des gros groupes de la scène. Tu vois, c'est eux qui ont influencé... Ça date d'avant Last Days of Humanity et les trucs comme ça. Non, je pensais plutôt à ce groupe tchèque. Ah oui, que t'adores, Gutalax. Gutalax, voilà. Oui, mais tout le monde a influencé Gutalax tellement ça ressemble à rien. En tout cas, là, ça ressemble encore à quelque chose. C'était Regurgitate et juste avant, c'était les mythiques Carnage, avec leur seul album Dark Recollection qui a influencé tout le death metal. Nous sommes retournés dans la branche metal de Memento Mori en l'espace de 5 minutes. Voilà, et qu'on va quitter à l'instant parce que je passe. Ouais, la main. Ça va changer. Je vais reprendre un peu les choses en main parce que là, ça ne va pas du tout. Balance-nous du pop. Un truc chiant comme la mort. Là. Allez, vas-y. Mais non. Parce que je sais pas ce que c'est. C'est dansant. Moi, c'était dansant. Tout dépend si t'aimes danser. Franchement. Voilà. Bah, disons que tu vois, sur. C'est pas la même danse, c'est tout. Sur Gutalax, tu danses pas des masses. Mais si. Enfin, du Gutalax, c'est pas bien, hein, mais c'est très dansant. Ouais, bon, bref. voilà, hein, passe au doblé sur Gutalax, tu reviendras. on va s'écouter The Hives. Voilà, bonne prod, une voix. Où t'as pas l'impression que c'est un mec qui chie par la bouche pour de vrai, tu vois, dans la vraie expression. C'est... Et voilà, avec, sur leur meilleur album, hein, clairement, le morceau No Pun Intended, qui est un putain de gros tube. Voilà, et juste après, on s'est écouté Terrible Feelings. Ah oui, tu mets de la pop punk dans toute son excellence. Oui, tout à fait. Terrible Feelings, tiré de leur petit 7 pouces qui a mis tout le monde d'accord quand ils sont passés à Besançon, je crois notamment, où tout le monde s'est mis à écouter ça d'un coup, tellement c'était trop mortel et un peu frais et tout, ça changeait de la dubstep qu'écoutait David à l'époque, évidemment. ça balance. voilà, le morceau Impending Doom qui est un gigatube. Alors, je veux bien admettre, la première coupure, c'était parce que le morceau était mal encodé, ouais, ouais. Mais celle de la fin, c'est pas la mienne. C'est quand même du travail de bénévole, tout ça. Hein. Je veux pas dire, mais... Ouais, c'est ça qui est bon. Ça discute, tout ça. Il n'y a pas de problème, on va rétablir les choses avec du raw punk bien dégueulasse, histoire de calmer tout ça. Du coup, on ne dit même pas ce que c'était, si jamais il y a un auditeur qui nous rejoint. Déjà. Bon, allez, vas-y. Allez, on est sur Memento Mori, et on vient d'écouter... Terrible Feelings, yeah. And et juste Ives. Voilà. Ok, bon, alors c'est terminé tout ça, maintenant on va écouter D7 Hey, un groupe d'Islande, parce que moi je suis parti sur les pays nordiques, je me suis autorisé des petites encarts avec l'album démo, pardon, rien à voir avec un album, c'est une petite démo de Reykjavik, donc capitale islandaise. Reykjavik, je crois. Je crois qu'ils font une liaison bizarre. Ouais, ouais, c'est bien possible. Ouais. Ouais, ouais. Ils s'appellent tous Isigurdur ou Jigurdur, il y a toujours dur à la fin. Non. Bah, je jure. Pas, non. En Islande, c'est... Non, en Islande, c'est soit Son, soit Dotir. Bah, moi, j'ai vu une série où ils s'appelaient tous Isigurdur. Bon, alors le titre, c'est Strio, Eftir, Strio. Alors, hein, vos conneries, ça veut rien voir. Et juste après, on va s'écouter Inferno, qui vient de Malmö, en Suède, donc c'est pas Malmö, c'est Malmö, avec le Seven Spare sorti en 2013 et le titre Avgrunden Us. Donc ça c'est pareil, c'est du raw punk de beat à fond la caisse. Yeah. We'll be right back. c'était trop bien. Guitare. Ça fait du bien, ça. Ouais, carrément. Hein, au top. Non, hein. C'est... Alors, juste avant, donc le tout premier, c'était D7Y. Petit groupe islandais. Le seul groupe islandais de la... Ouais. Seul groupe islandais de la playlist. L'intrus. Hein. Ouais, mais c'était un bon intrus quand même. Hein. Ouais, oui, mais c'est pas, ça va. C'était un peu distort punk comme on ça. On te pardonne. Les Islandais, c'est des Vikings aussi. Allez. Ouais, ça va. Thématique Viking. Non, mais c'était une question géographique. Non, du tout. J'ai précisé, c'était pays nordique. D'accord. Voilà. Et juste à l'instant, c'était Inferno, donc, qui nous vient aussi de Suède. Voilà, qui a, je crois que ça n'existe plus, mais c'est bien, bien efficace aussi, quoi. Hardcore suédois, comme ils savent le faire, de toute façon. Hein, pas, c'est les meilleurs, de toute façon. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Et bah, du coup, on va se finir en beauté, on va dire, avec un petit Disfear de Derrière les Fagots, hein, quitte à faire dans le gros suédois avec du gros son, autant taper dans la base et dans le classique et dans le maître. Dans le récent. Ouais. Parce que j'ai passé, il n'y a pas longtemps, le premier EP de Disfear. Oui, je me rappelle, ça nous a surpris. Et pour le coup, il a été réédité, c'est pour ça que j'ai... Et du coup, c'était ça, quoi. C'était du Inferno, quoi. C'était du hardcore à l'ancienne, quoi. Mmh. Alors que non. Hardcore récent, c'est aussi le meilleur, en fait, finalement. Ah oui, non, pour le coup... Je ne peux pas y échapper. Oui, non, puis le son est très, très mortel. Enfin, tout, il y a une capacité d'exécution assez terrible. Du coup, on va s'écouter le morceau Fear and Trembling. J'ai mis un R en plus, du coup, ça voulait plus rien dire. Voilà, issu de l'album sûrement Live the Storm, hein, j'imagine. Je sais pas, peut-être, ouais. Bon, je suppose, parce que c'est celui-là que j'écoute le plus, mais après, on va savoir. Et pour terminer donc, cette petite émission, on va s'écouter La Casa Fantôme, qui va être un petit peu plus chelou. Donc, c'est un groupe norvégien, un duo noise, rock, sludge, voilà, qui fait pas mal de trucs un peu différents. Ils sont de Norvège à la base, mais je crois qu'ils habitent maintenant en France. Enfin, ils sont très proches de la scène grenobloise, alors je ne sais pas trop voilà, exactement où est-ce qu'ils sont actuellement, je ne sais pas. Bah, ils sont tout près de la maison où David avait joué. Ouais, c'est ça. Voilà, ils font des amplis et des baffles en même temps. Voilà, donc en Norvège, Grenoble, même combat, quoi. Donc Disfear. Il y a un TER entre les deux. Et voilà. On a toujours la Casa Fantôme qui doit arriver. Ouais, c'est ça, derrière. Il me semblait bien. Mais c'est sur l'autre clé USB du coup. Mais non, Fantôme, elle doit arriver. Tu me fais blaguer, il reste 40 secondes là sur le lecteur. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Ah, c'est Disfix qui font des feintes. Ouais. Ouais. Voilà. On se dit au revoir extrêmement vite parce qu'on a très envie de vous laisser avec ce petit générique qui fait très plaisir. Ouais. On se retrouve le 18 avril pour une émission normale. Voilà, des bisous, à bientôt. Bonne soirée à tous, merci d'avoir écouté. Bye bye. And my foot hit moat, and the stompy, stompy, stompy!